2 secondes avant l'impact, ah ouais. C'est l'air PRCS, tu connais l'équipe. La haine attire la haine, devine à qui les petits s'identifient. Génération flinguée, violence dans la chaîne IFI. Viens faire un tour, en bas de l'échelle, le mal s'amplifie. Au final, on s'y fait, tout va bien jusqu'ici. Ouais, on va parler vrai, comme des hommes, gros, on va parler peu. On va pas te faire une morale tirée par les cheveux. On parle pour ceux que personne n'entend. Ceux qui regardent le temps passer sur un banc. Si t'attends la réussite, poto, je t'assure qu'elle arrivera jamais. J'en place une pour ceux qui sont partis et qu'on reverra jamais. Ouais, la vie c'est chambé, qui t'a dit que c'était simple. Un jour t'as croisé le bonheur, t'as cru que c'était une fin. Bah ouais, y'a rien de rose, y'a pas de bluff. Et quand les mecs causent, y'a rien de neuf. Tu veux que je te dise quoi? Que tout va bien alors que c'est faux. Je te parle de vérité, de vive voix. Tout est noir, y'a plus d'espoir. Ça fait. Des ennemis dans la nuit, y'a plus d'espoir. Tout est noir, ma gueule. Ton regard dans le miroir, y'a plus d'espoir. Y'a plus d'espoir. Des ennemis dans la nuit, y'a plus d'espoir. Tout est noir, y'a plus d'espoir. Tout est noir, mec. Des ennemis dans la nuit, y'a plus d'espoir. Y'a plus d'espoir. Rage qui parle, évite les blagues et les banalités. J'suis dans les blazes à part, j'ai fait un pas comme une balle à idée. J'ai mes souvenirs pour être irrité ou dirigué. À vrai dire, leur silence est pire que ma vérité. J'vais diriger vers des clichés que t'en oublierais sûrement ma tête d'arabe. Petit, j'm'en bats les couilles, on tient debout et fait le carré. En temps de presse, en temps de guerre, bah fais le carré. T'inquiète, le faible, elle pousse levé en disant c'est carré. Force et le discours, main basse sur la disette. Chaque matin, on se lève à l'aube, jette un œil sur la pesée. J'ai pas cancérigène, mais y'a que toi que ça gêne. Si j'publie que j'ai le cancer, c'est bâtard, mais t'es un chef. J'vais pas te montrer l'imposture, elle est au dos de mon poster, on est caractère austère, on sait quand faut se taire et ironner. T'es passé, t'oppressé, c'est facile, c'est précis. Surpassé, c'est passé, c'est technique, c'est placé. Tout est noir, y'a plus d'espoir. Ah ouais, ça fait. Des ennemis dans la nuit, y'a plus d'espoir. Tout est noir, ma gueule. Ton regard dans le miroir, y'a plus d'espoir. Y'a plus d'espoir. Des ennemis dans la nuit, y'a plus d'espoir. Tout est noir, y'a plus d'espoir. Tout est noir, mec. Des ennemis dans la nuit, y'a plus d'espoir. Y'a plus d'espoir.